Accordé au quotidien Die Welt. Il estime que la Hongrie de Viktor Orban doit être exclue temporairement de l'Union car elle viole les valeurs démocratiques fondamentales. Elle érige des clôtures contre les réfugiés de guerre. Elle viole la liberté de la presse, l'indépendance de la justice. Une exclusion temporaire est la seule manière, toujours selon le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, de préserver la cohésion et les valeurs de l'Union européenne. Les parents d'un enfant tué lors de l'attentat de Nice cet été portent plainte aujourd'hui. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Les parents de Yanis visent en particulier le défaut de mise en place de contrôle de la circulation des poids lourds aux abords de la promenade des Anglais. Ce couple demande l'ouverture d'une information judiciaire, ce qui leur permettra d'avoir accès à l'enquête et de participer à la procédure. Car jusqu'à présent, l'enquête qui a été ouverte sur le dispositif de sécurité déployé lors de ce 14 juillet est aux mains du parquet. L'avocat de cette famille dit encore aujourd'hui qu'il va déposer des plaintes similaires au nom de 4 autres victimes. Des surveillants de prison bloquent ce matin l'entrée de la prison de Maubeuge dans le Nord. Ils dénoncent l'agression de l'un des leurs la semaine dernière par un détenu et ils réclament du personnel supplémentaire. Hier soir à Vivonne, près de Poitiers, cette fois une mutinerie a fait 11 blessés légers, des membres des forces de l'ordre et des détenus. Ça aura duré en tout 6 heures à l'origine de ce mouvement. Le refus de permission de sortie à un détenu qui s'est rebellé et qui a entraîné d'autres détenus dans son mouvement de mutinerie. 1500 exposants environ, c'est la vitrine internationale de l'élevage français. Ouverture ce matin à Rennes de Spas, le salon international des productions animales, 30e du nom. De nombreuses délégations étrangères sont attendues. Elles viennent s'inspirer des techniques d'élevage français, alors même que le secteur est en crise. Après le porc, le lait et la viande ont pris le relais cet été. La Confédération paysanne a prévu de se mobiliser ce matin. Les créations d'entreprises sont reparties à la hausse au mois d'août, plus 1,6% par rapport à juillet selon les chiffres de l'INSEE ce matin, soit près de 46 300 entreprises nouvelles en août. Cette reprise après 2 mois de baisse est due à la création de micro-entreprises, toujours selon l'INSEE. Et c'est le secteur du transport et du soutien aux entreprises qui contribue à cette hausse. Enfin, 1,29 million de téléspectateurs en moyenne. La première du quotidien de Yann Barthès sur TMC a fait un carton hier soir. 6,3% de part de marché, dont 11,5% rien que sur la tranche 25-49 ans. Yann Barthès a fait mieux que Cyril Eldin, son successeur à Canal, qui lui recueillait 583 000 personnes derrière leur poste, soit 2,5% du public. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, l'astrophysicien Trinh San Tuan pour parler du vide dans le cosmos. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. Une Yaris hybride. T'as encore été augmenté ? Bah non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. France Inter. On aime, on vous en parle. La Comédie Française vient à vous, en direct au cinéma. 3 soirées exceptionnelles, à vivre comme si vous y étiez. Roméo et Juliette, Le Misanthrope, Cyrano de Bergerac, retransmis en direct depuis la Maison de Molière dans plus de 300 cinémas partout en France. Soyez au rendez-vous dès l'ouverture de la saison, jeudi 13 octobre, 20h30, avec Roméo et Juliette, mis en scène par Eric Ruff. La Comédie Française, en direct au cinéma, à retrouver aussi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. J'ai terminé, ça à vous, Nagui. Là, on a vraiment fait le tour de tout. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de tout. Et alors donc, vous vous immiscez dans les rapports entre Ali et Leïla. J'essayais de créer quelque chose et non. J'essayais de créer quelque chose. Vous avez fait un ménage à trois, c'est honteux. Et dans mon dos, en plus. Dans mon dos. J'étais juste dans le studio et je... Oui, ne vous excusez pas. Vous êtes la bienvenue, Laetitia. Vous êtes surtout, vous êtes chez vous. Tout à l'heure, on se tutoyait. Hein, oui, je sais, mais là, tout d'un coup, je me suis dit peut-être qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Instaurer une petite distance. Puis surtout, maintenant, t'es rhabillée. Et puis, on va y aller. Bonne émission, je t'embrasse aussi. À midi, le retour de l'Odyssée. Allez, on suit. Allez, mieux tout ça. Ouais, en jambon. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudali, Frédéric Sigrist, Tom Village, Daniel Morin, Richard Lormac et notre invité, la douce, la brillante Isabelle Carré. Je pourrais rajouter la belle, je pourrais rajouter l'intelligente, la talentueuse et la présidente. Et la présidente, pour la première fois de ma vie, je préside un truc. Trop là. Ce truc. Autre qu'un conseil de famille. Ce truc. Oh, est... même pas. Ce même truc pas. Étant en l'occurrence le jury du 18e festival de la fiction télé de La Rochelle, qui commence demain et cependant un long week-end comme, comme on dit. En plus, la météo est au rendez-vous. J'ai l'impression qu'il va faire beau. Chouette. C'est et puis La Rochelle. C'est pas toujours le cas. En même temps, on va être dans des salles de obscures, mais ça me va très bien aussi. Vous avez déjà commencé à voir quelques films, téléfilms ou pas du tout? Alors. Normalement, je dois dire non. Mais en vérité, oui. Non, mais pour pouvoir tout voir. Parce qu'il y a, voilà, c'est ça. Il y en a énormément. La difficulté là, c'est qu'on va, donc juger 34 œuvres inédites, françaises et européennes. Dans tout ça, vous avez des web-séries. Un truc que je découvre, moi, avec mes petits 45 ans. Non, quand même, des petits programmes courts de 2-3 minutes avec une économie. Il y a des grandes web-séries, attention. Ouais. Je suis totalement d'accord. Et mais nous, c'est, on voit des mini-séries. Économie des séries, Internet. Ouais. Des séries de 90 minutes, des séries européennes. Alors, ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, voilà, on prend le pouls de tout ce qui se fait aujourd'hui. Isabelle Carré, n'en dites pas trop. Je voudrais simplement savoir si Tom Villa a compris les vraies raisons pour lesquelles vous êtes notre invité. C'est évidemment. Évidemment, Nagui. Mais là, elle a trop dit, ça, elle t'a aidé. Vous l'avez invité parce qu'Isabelle a une double actualité et que maintenant c'est le minimum pour recevoir quelqu'un. Bon, il faut cumuler. On n'est pas chez Trattenard, bordel. À tous les artistes qui nous écoutent, une seule actu, ça ne nous suffit plus. Merci de faire passer le mot. Isabelle Carré, vous venez pour le Festival de La Rochelle et pour le téléfilm de France 2 aussi. Vous jouez dans La vie à l'envers. C'est un téléfilm où vous jouez la fille d'une malade d'Alzheimer. Film sublime. Ouais, on en parlera. C'est pas très joyeux, mais je trouve ça formidable. Oh, je suis pas d'accord. Non mais la thématique, Isabelle, il a pas vu lui, donc il sait pas de quoi. Voilà, non mais voilà, en tout cas sur le papier c'est pas très joyeux, mais je trouve ça. Il y a des moments formidables d'avoir fait un biopic sur la fille de Liliane Bettencourt. En tout cas, on pourra vous voir le 21 septembre sur France 2 à l'occasion de la Journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Journée bientôt rebaptisée Journée Sarkozy, puisqu'Alzheimer c'est sa maladie préférée. T'as rien à faire et les gens oublient ton passé, c'est quand même extraordinaire. Mais vous aussi, Isabelle, vous avez une tendresse particulière pour l'Alzheimer. On le sent bien, c'est vrai. Je rappelle, vous aviez déjà eu un César pour Se souvenir des belles choses. Ouais. Vous jouiez une femme atteinte de perte de mémoire, donc votre créneau, c'est les poissons rouges, en fait. Hein. Actrice à texte, non. Actrice d'action, non plus. Non, actrice à trous. Bingo, voilà, je vous imagine en discussion avec votre agent. Isabelle, on a reçu un scénario pour toi. Ah, super, par contre, j'ai pas envie de me faire chier avec le texte. T'inquiète pas, on dira comme d'habitude que t'as Alzheimer. Non, mais, ici surtout parce que vous êtes la présidente pas du Festival Inter, de Vannes, pas sur Inter. Ok, très bien. Vous êtes ici surtout, Isabelle, parce que vous êtes la présidente du Festival de La Rochelle. Bonjour, madame la présidente. Ouais, j'aime bien. Je précise, du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, parce qu'entre les Francofolies de La Rochelle, le Festival international du film de La Rochelle, le Festival de Jazz, le Festival de la Fiction Télé et les universités d'été du PS qui étaient à La Rochelle, on s'éclate à La Rochelle. Hein. Oubliez Cannes, les Charentes-Maritimes, c'est The Place to Be. Il y a moins d'escorte qu'à Cannes, mais toujours plus qu'à Angoulême. Il y a 35 000 personnes. C'est incroyable. Ce festival. Il y a tellement de festivals toute l'année à La Rochelle. C'est la seule ville où les habitants doivent se balader toute la journée avec une accréditation pour rentrer chez eux. Isabelle Carré, vous êtes donc la présidente du jury du Festival de la Fiction de La Rochelle. La grande question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que la fiction télé française, à part souvent un moment gênant. Eh bien, la c'est fiction. Non, c'est fini. Mais je sais. Enfin, ça va mieux. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais c'est vrai, je suis de mauvaise foi. C'est vrai que souvent, la fiction c'est française pour ça revient là. En force. J'ai rien contre l'instit, mais on n'est pas ça autre chose. Quand l'instit, même. Ah oui. Moi, je pensais à RIS, police scientifique, la Garenne Colombe. Donc, non, c'est vrai, on est. Non, mais c'est vrai, par exemple, on a beaucoup évolué. La série la plus exportée cette année est Made in France, c'est Le Bureau des légendes. C'est extraordinaire. Mais on s'est énormément amélioré. Même, on se fait pomper des idées. Game of Thrones, c'est tout pompé. Sur quoi ? Attendez, soi-disant les Américains ont eu l'idée en 2011, mais en France, des mecs qui se battent pour un fauteuil, ça existe depuis 2006. Ça s'appelle Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui, tous les midis, sur France 2. On n'égorge personne. D'ailleurs, dans le Festival de La Rochelle, il y aura une belle place laissée à la BBC. Alors la BBC, c'est l'équivalent de France Télévisions en Angleterre. Il y a quelques temps, il y a la série Engrenage de Canal+, qui avait été vendue à la BBC. Alors on s'emballe pas non plus, parce qu'Engrenage a été diffusé sur BBC 4. Voilà, c'est l'équivalent de France O. Donc bon, c'est pas terrible. En tout cas, beau visionnage. Ouais. aucune réaction. On va se penser, vous dites rien. Laisse-le finir, on va le serrer après. Il est vachement négatif. Mais pas du tout, en tout cas. Je vais te casser la tête. Bon visionnage. Je vais finir. En tout cas, bon visionnage pour toutes ces nouveautés, Isabelle. Pendant 4 jours, vous allez mater des séries dans tous les sens. Caroline Proust, c'est une star maintenant en Angleterre. Je peux finir ? Isabelle, pendant 4 jours, vous allez regarder des séries dans tous les sens. Alors, je vous rappelle, vous êtes la présidente du jury du Festival de la Fiction de La Rochelle, parce que des séries H24 pendant 4 jours, en vrai, ça s'appelle être au chômage. Bonne journée. La bande originale, Nagui. Tom Villa, t'aurais pas bossé sur France O dans le labo avec Sébastien Follin tout une fois. Ouais, mais ouais. Comme ils l'ont pas payé, maintenant ils vannent France O. Non, non. Ouais, j'étais là. Ils se mangent. C'est vrai. Donc vous êtes présidente, Isabelle Carré, de ce jury du 18e Festival de la Fiction. Il faut le préciser. Vous pouvez pas le dire, mais moi je peux le dire. C'est l'un des festivals qui a vraiment pignon sur rue. C'est-à-dire que tout le monde attend de savoir ce qui va être présenté au festival. Il y a une véritable attente. Ce qui va être présenté, les nouveautés. Et puis le jugement de ce jury, dont vous êtes la présidente. On va citer quand même votre camarade de jeu, Pascal Arbillot, Erwan Kermovan, Elsa Marpeau, Jean Nashrick, et François Vell, qui est réalisateur et qui se retrouve également dans ce jury. Quel est le rôle d'une présidente ? C'est d'avoir une voix de plus que les autres ? C'est de guider les débats ? Alors moi, j'aime pas trop la hiérarchie, donc... On vous a dit... Ben non, on m'a rien expliqué. C'est ce qu'on dit quand on est tout en haut. Donc moi, j'ai juste... Il y a cette phrase que j'adore, quand il faut être gentil avec tout le monde quand on monte, parce qu'après, c'est les mêmes qu'on croise quand on descend. C'est ça. Et quand on Woody monte, Allen. Quand on monte, c'est avec l'ascenseur, quand on monte, c'est avec l'escalier, quand on descend, c'est avec l'ascenseur. Non, enfin là, j'ai pas tellement l'impression de monter, j'ai juste l'impression que je vais me retrouver avec des gens très sympathiques, dont ma pote Pascal Arbillot. Il y a bien quelqu'un qui vous a dit... Mais non, vous êtes présidente, voilà votre rôle, voilà ce qu'il faut faire en plus. Il y a des stratégies à mettre en place, Isabelle. Non, moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est d'essayer de trouver des sujets audacieux, et j'ai l'impression qu'il y en a. Des sujets qui peuvent un petit peu aider les gens dans leur vie de tous les jours, pas éternellement les mêmes séries policières. J'ai rien contre les policiers, moi aussi je pourrais comme le chanteur Renaud embrasser un flic en ce moment, mais quand même on les voit beaucoup à la télé. Si éventuellement on pouvait voir d'autres gens, c'est-à-dire qu'il y a des basiques et des fondamentaux, c'est-à-dire qu'à la télé, quels sont les rôles principaux dans les séries policiers avocats, voilà, on a dealer, les instituteurs, médecins, juges. Ouais. Aucun douanier. Aucun. Non mais c'est scandaleux. C'est vrai. C'est scandaleux. Mais moi, s'il n'y a plus de frontières, donc mon bon monsieur. Donc, pour rétablir Schengen, on aura des douaniers. Est-ce que c'est pas schizophrène d'être à la fois la brillante actrice que vous êtes et d'être juge de l'autre côté ? Comment allez-vous J'ai déjà fait une fois, en fait, d'être membre du jury. Deux fois, je crois. C'est pas inconfortable ? J'ai pas trop aimé ça. J'ai pas trop aimé distribuer les notes et tout ça. Mais là, je suis super contente de revenir à La Rochelle, parce que j'ai des bons souvenirs là-bas, en fait. Le public vient sans accréditation, c'est gratos. Dans la limite des places disponibles. Voilà, et du coup, on a vraiment un public très diversifié, heureux d'être là, très nombreux. Et je l'avais vécu, moi, le film donc, de Jean-Pierre Améris, sur non pas des douaniers, mais des migrants à Calais, qu'on avait passé il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et ce film, Maman est folle, donc, avait reçu un accueil très, très, très émouvant. Voilà, et je me suis dit, je vais me refaire un petit bain de ça, quoi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis très forte à répondre à côté. Normalement, juge, on ne s'en rend pas compte. Être juge est parti, c'est super difficile. Ouais. Vous êtes forcément dans le monde de la fiction et on évoquera la vie à l'envers parce que ça ne passera que dans une quinzaine de jours, le 21 septembre sur France 2, mais, et qui est un super film, justement, où vous partagez l'affiche avec Pascal Arbillot, Barbara Schulz, Marthe Keller, Guillaume de Tonquédec et Julien Boisselier, donc c'est un très très beau casting. Il le fait bien, il a même pas regardé ses fiches. On dirait qu'il travaille sur France 2. On dirait que je ne veux pas baisser les yeux quand je suis dans vos yeux, Isabelle. On dirait qu'il est une oreillette. C'est faux. Mais au-delà de ça, comment se mettre dans l'autre position avec je m'assois dans un fauteuil, je regarde, ouais, ça c'est bien, non, c'est pas bien, non, c'est un peu mou, ils auraient pu aller plus vite. C'est super délicat. Avant tout, je suis spectatrice, quoi. J'ai découvert le cinéma, j'avais 14 ans, j'allais voir 5 films par semaine minimum. Et si jamais un jour je ne peux plus jouer, pour X raisons, je continuerai à aller voir des films, à me régaler. Est-ce que vous en aurez les moyens ? Vous avez l'air d'être très attaché au fond, au sujet de la production que vous allez pouvoir visionner. Surtout à l'audace et à la singularité, quoi. C'est vrai que aller voir des films parfaits, très bien réalisés, parfaitement réussis, mais qu'on a vu déjà 150 fois, je trouve que ça lasse. Et finalement, je préfère voir quelque chose de plus fragile, mm-hmm. mais qui propose quelque chose, quoi, qui tente. Vous n'avez pas suivi Braco hier soir. Non. Non. Et ça, c'est aussi une décision collégiale. J'imagine que comment est-ce qu'on fait ? On se dit à la tête d'un jury, il faut un peu distribuer pour faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il y a cette problématique-là ? Est-ce qu'il y a une stratégie Pour l'instant, j'ai pas aucune pression ni de mode d'emploi. Hein, et effectivement. Des pots de vin ? Oui, c'est ça, les tentatives de corruption. On vient vous voir directement. En fait, c'est vous là qui mettez la pression. Je l'avais pas. Et là, tout à coup, je commence à transpirer. Et il reste une heure et quart. C'est que le début. Partez. En tout cas, au casting de cette 18e édition du Festival du film de La Rochelle, un très joli casting, puisqu'il y a également, si on cite toutes les comédiennes et les comédiens présents, Zabou Breitman, Eric Elmosnino, Olivier Marchal, Michael Youn, Elsa Lunghini, Barbara Schulz, encore votre partenaire de La Vie à l'envers, Harry et Elmaleh, tiens, ils sont ensemble, Valérie Carsanti, Charles Berling, Julia Platon, Pascal Grégory, Sagamore Stévenin, Olivia Bonamy, Bruno Solo, Bruno Volkovitch, Carole Bouquet, Elodie Franck, Samuel Labarthe, Soren Prévost, Baptiste Caplin, Thomas VDB, justement, c'est dans des séries de 26 minutes, des séries plus courtes. Et hors compétition, un film d'Éric Lavenne, Les Beaux Malaises, avec Franck Dubosc et Anne-Marie Vin. Une mini-série. Toujours sans regarder les fiches. Une mini-série. Non, là, non. Une mini-série. C'est un monstre. Qui s'appelle La Main du Mal, avec Mélanie Douté, Joe Estar, François Berléand et Élodie Frégé. Évidemment, il y aura Fais pas ci, fais pas ça, qui est un rendez-vous régulier maintenant. Julie Gayet aussi, qui présente une série aussi pour France 3. Et moi, je regarde pas les fiches là. Et Isabelle Adjani, qui présente une série pour Canal, il me semble. Je l'ai vu, en tout cas. Je l'ai... Le premier qui a la bonne réponse, c'est vrai. Pour Vivolta. C'est Arte, bravo. Ouais, ça, c'est l'oreillette qui m'a aidé. Ouais. Merci, les amis. Est-ce que ces comédiens, ces comédiennes viennent en chair et en os, sont invités aussi à leur propre projection ? Non, ce sont des hologrammes, Nagui. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Je crois qu'il y aura beaucoup de monde, mais alors qui vient ? Ça, je n'ai pas eu les infos. Ah, c'est la présidente, bravo. Quelles sont vos obligations en tant que présidente ? C'est-à-dire, il y a une conférence de presse quotidienne, il y a des rendez-vous, il y a des presse junkets, vous devez aller serrer des pinces aux sponsors du festival. Alors ça, je crois pas trop. Je crois qu'il y a quelques dîners, il y a la soirée d'ouverture, la soirée de clôture. Vous savez déjà comment vous serez habillé Ouais, un petit peu. C'est demain en même temps. Il faut que la robe soit prête. Ouais. En même temps, vous avez remarqué, je ne suis pas trop... Mais moi, je préfère le t-shirt troué que la robe too much. C'est vrai qu'il est troué. C'est délicat de faire remarquer qu'il est troué. Ouais. T-shirt. Voilà. Voilà, Nagui. Tu m'as mis à l'aise. Et tout ça sans fiche. Ma mère m'a fait une réflexion avant de partir et je ne l'ai pas écouté. J'ai dit, non. Qui vous a fait une réflexion ? C'est la radio, ça va, quoi. Mais on oublie que c'est filmé maintenant. Non, mais il y a un petit côté... Mais si je pouvais aller en pull à col roulé aux émissions de télé comme je l'ai fait au début quand vous m'avez reçu sur... les plateaux de comment s'appelait la brosse à dents, ouais, non ? Absolument. Si on pouvait continuer comme ça, moi, ça m'irait très très bien, les avant-premières en jean. Après, on va quoi ? On va voir des films, quoi. C'est pas pour montrer notre gueule. Mais bon, je sais que ça a changé. Je sais qu'il faut être une petite révolte. Ils sont là, il y a des choses à dire. Vous n'avez jamais voulu être une égérie ? Non. Jamais. On vous a proposé des marques. Je devrais dire oui, parce que ça rapporte aussi, hein, mais bof, quoi. On ne vous l'a pas proposé ou vous n'avez pas accepté ? Alors, on ne m'a pas proposé les pubs qu'on m'a proposées. C'était pour les couches Pampers, pour LCL, mais ça, je crois qu'on l'a proposé à la Terre entière. Qu'est-ce qu'on m'a proposé d'autre ? La rousse, ça, c'est les lunettes. Ah. Mon côté un peu intello. Les cheveux aussi. Hein. Morgane, quand même. Si, j'ai eu un truc de mode aussi. Voilà. J'ai tout refusé, voilà. Un gel douche, non ? Non. Et pourquoi ? Comme ça, j'avais envie de voir la pub. Et pourquoi le statut d'égérie vous perturbe, vous dérange ? Parce que les comédiennes sont assez coutumières. Non, ça me dérange pas. Ce que je trouve, ce qui me dérange, parce que j'ai pas de goût à ça, tout simplement, c'est le fait que qu'on devienne des petites poupées, qu'il faille nous costumer, nous habiller, avoir le dernier sac hit bag, voilà. Et comme vous pouvez le constater, oui, je pas, suis ouais. venue avec un sac à dos assez. Ouais. Mais pratique. Pratique, voilà, exactement. C'est ça, pratique. Un peu fourre-tout, mais pratique. Confortable. Voilà, comme un sac de fille, on doit y trouver à peu près tout. De quoi manger, se. C'est pas vraiment un sac boire. De fille, c'est plutôt. Non, mais sac à l'intérieur, un sac de fille. À l'intérieur, voilà. Bah, si, c'est en Croatie, c'est la mode. C'est ça, exactement. Très, très alors, vos oreilles ont sifflé, oui. Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Isabelle Carré dans la bande originale. Forcément, immédiatement, Isabelle Carré, je dois vous dire, je me suis réjouie parce que j'aime beaucoup la comédienne et aussi la femme que j'ai pu entrevoir lors de vos dernières venues ici. Mm-hmm. Vous m'avez fait une belle impression. Il n'y a pas de minaudage, en effet. Clairement. Vous êtes sincère. Enfin, vous êtes touchante, en fait, dans votre manière d'être. J'ai une bonne note. Je ne le dirais pas de mais de, ça, la de rend tous. Plus, ça la rend encore plus sexy. C'est Augustin Traquenard, en fait, qui m'a. Traquenard, c'est bien ça. C'est bien aussi. Fait. Qui m'avait dit que j'avais un look de zadiste. Mais... Un look de quoi ? Un look de zadiste. Ah ben, il faudrait prendre Augustin en photo aussi, en retour. Enfin, ce qui me plaît chez vous, mais ce qui me plaît moi chez vous, c'est aussi votre manière de penser. Quand je vous entends en interview, vous cherchez le mot juste, on voit qu'il y a un vrai souci de ça. Alors, j'ai pas été étonnée quand j'ai appris que vous étiez une bête de travail. Je vous propose d'écouter un extrait d'une pièce de théâtre que vous avez jouée, juste pour vous rafraîchir la mémoire ici. C'est la voix d'Isabelle Adjani. J'étais sur le balcon, à travailler au frais. Lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès, un jeune homme bien fait, non, on ne dit pas pareil, qui rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence, et lui d'une troisième, aussitôt repartant d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence aux nouvelles. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fut venue, toujours comme cela je me serais tenue. Bravo! Sans oreillettes, sans homme. C'est Agnès la naïve dans l'école des femmes de Molière. C'est là où il y a le petit chat est mort. C'est là. Ah bah voilà, spoiler. C'est plus la peine d'aller la voir dans la pièce. C'est foutu. C'est la première phrase de la pièce. Non, c'est pas le. C'est pas tout de suite, c'est la. Troisième ou quatrième scène. D'accord. Ouais. Okay. Non, deuxième ou troisième. Ah, mais là, j'ai. Troisième. On va dire quoi. Ça. Hein. Vous avez joué en tout cas. Décision, Nagui. Vous avez joué dans l'école des femmes. C'était mis en scène par Jean-Luc Boutet. Absolument. Et j'ai appris que. J'étais amoureuse de lui. Ah, ça, je savais pas. Ah oui. C'était vrai que vous allez dire ça. J'embrassais sa photo tous les soirs, mais il n'était pas pour nous. Les femmes. Ah, c'est vrai, il n'était pas dans notre championnat. en tout cas. Il n'était pas dans notre ligue. C'est ça. En revanche, ce que j'ai appris, c'est que vous aviez tellement la trouille que vous avez lu les 33 pièces de Molière. Deux fois et demi. Pour entrer dans l'univers et pour être capable de jouer l'école des femmes. Oui, en fait, c'est l'idée de ne pas arriver à un dîner les mains vides, quoi. Ouais, mais enfin, il faut que j'arrive avec des fleurs et une bouteille de vin. Les deux. Et les chocolats. Faut choisir normalement. C'est ceinture et bretelles. Et donc j'avais effectivement besoin d'avoir les valises pleines, quoi, du matos. Et c'est toujours le cas. Je travaille pas nécessairement par goût du travail. Ça me plaît, hein, mais c'est surtout pour me sentir légitime en fait, avoir moins peur. Et vous êtes quand même très rare à faire ça. Oh, je crois pas, non. À lire toutes les pièces de Molière pour en préparer une que vous allez jouer. Pardon, Isabelle, mais c'est quand même... c'est pas commun. Bon, je sais pas, j'ai l'impression... Écoutez, Leïla s'est renseignée, vous êtes la seule. Ouais, vous êtes la seule. Continue. J'assume. Alors, preuve que... Pardon, oui. la question sur ce besoin de travailler, ouais. Leïla a raison. Est-ce que c'est le doute, la peur de faillir? Est-ce que c'est ça? Oui. On parlait de trous tout à l'heure. Là, je vais bientôt jouer une pièce sur Audrey Hepburn au Théâtre de l'Œuvre. Fin octobre et là je suis en train de lire beaucoup de choses sur Audrey Hepburn en me disant au moins voilà j'aurai effectivement cette légitimité moi qui lui ressemble tellement au moins intérieurement au moins que la ressemblance se passe à l'intérieur voilà j'aurai infusé. Alors, preuve que vous êtes celle que l'on doit suivre, un certain Omar Sy, lors de la cérémonie des Césars, s'était inspiré, on va le dire comme ça. Alors, je ne sais pas en fait si c'était inspiré ou moqué. Ouais, je ne sais c'est pas bien sûr de, non, du c'est, truc. C'est inspiré, vous allez voir, on écoute un extrait. Bonsoir à tous. Je me souviens d'avoir mangé une soupe avec Jean Carmé dans une cuisine Formica des années 50. Une petite soupe banale, carottes, poireaux, pommes de terre, préparée par le chef accessoiriste. Sauf qu'autour de la table, il y avait Catherine Deneuve, Richard Bohringer et Bernard Giraudot. Attendez, Omar. C'est exactement le même texte que celui que nous a lu Isabelle Carré au début de la cérémonie, ça? Pas du tout. C'est pas ça. C'est exactement ça. C'était, oui. C'est une forme d'hommage. J'étais très étonnée, en fait, qu'il nous laisse dire ce qu'on voulait. Connaissant Omar, on était hyper libre. C'est un hommage. Ouais. Ah ouais, connaissant Omar, je pense qu'il vous déteste. Je pense. Hein. J'avais peut-être pas pris mon paranoïa 2000 ce jour-là, mais j'ai eu quelques doutes. Vous étiez étonnée de quoi, de la liberté qu'on vous laissait lors de cette cérémonie? Ouais, j'ai écrit ce texte avec je devais remettre pour meilleur second rôle, et pour moi les meilleurs second rôles, enfin c'est l'emblème, c'est Jean Carmet, quoi, avec qui j'avais tourné effectivement dans un film oubliable, mais pas pour moi, La Reine Blanche, et j'avais été mais vraiment scotchée par le travail de Jean Carmet. Et pourtant, comme je le dis là dans ce texte, il y avait autour de moi, il y avait du matos autour de moi, il y avait des gens, quoi. Il y avait Deneuve, Giraudot, il y avait Bourringer. Mais moi, j'étais fascinée par Jean Carmet et la façon dont je le voyais travailler. J'étais voilà. Et j'ai pleuré quand il est mort. Enfin, c'est lui que j'ai retenu, quoi. Mais revenons au César. Vous êtes surprise d'avoir une liberté. Ouais, j'étais très étonnée. Je pensais que vous aimeriez quoi, des auteurs, une relecture. En fait, on a le choix. Il y a effectivement la possibilité que quelqu'un vous écrive quelque chose. Mais vous pouvez. Et c'est plutôt des vannes à ce moment-là, c'est plutôt un sketch. Ouais, ou un truc lambda sur qu'est-ce que c'est un second rôle, je sais pas, enfin ça peut être aussi classique. Vous pouvez choisir en fait votre couleur, quoi, en demandant à quelqu'un de d'écrire pour vous. Mais vous pouvez aussi dire ce que vous voulez, et il y a aucun. Sont nommés dans la catégorie meilleur son. Son. Oui, ça, on le connaît bien celui-là. Oui. Bah oui. Je sais pas qui est l'auteur. Mais il y en a deux, trois comme ça, oui, qui reviennent chaque année. Et enfin, ce que l'on sait moins de vous, Isabelle Carré, c'est que derrière votre apparente tranquillité se cache une toquée. C'est Benoît Poulvorde qui a vendu la mèche. Il fait quoi, là? C'est un indice. Il se lave les mains, parce que je me lave beaucoup les mains. Vous vous lavez les mains tout le mais temps. Mais là, c'est Benoît Poulvorde qui se lave les mains. Ça aurait pu être n'importe qui se lave les mains. Oui, en fait, non, je pense que c'est n'importe qui. Ah oui, vous êtes sur France Inter, ce sont les mains de Benoît Poulvorde. On n'est pas comme ça. J'ai passé la nuit sur l'INA pour trouver le son de Benoît Poulvorde, parce que ça ne fait pas exactement le même bruit que Jean Sénagui. Alors que tu ouvrais ton robinet, tu gagnais un temps fou. C'est vrai, mais je suis une besogneuse, moi, comme Isabelle. Tu gaspilles de l'argent, alors que racheter un document réel, là au moins, tu gaspilles pas de l'eau. Absolument. Donc Benoît Poulvorde vous a un petit peu trahi en disant que vous l'aviez tout, vous l'aviez beaucoup les mains, que votre loge était mais nickel, que c'était un. Ouais, mais alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que s'il y a un mec qui passe l'aspirateur H24, c'est Benoît Poulvorde. Comment ça? Oui. Et même les plaintes, les dessus d'armoire. Il n'aime pas tout ce qui est poudre et poussière. Les poignets. L'aspirateur, le tapis, on l'appelle. On l'appelle l'aspirateur. Donc on a ça en commun, en cette fin de compte. C'est pour ça qu'on peut-être qu'on s'entend si bien. Et ça vous rassure, ça aussi, c'est comme lire toutes les pièces de Molière avant de jouer. J'ai fait quelques progrès. Ou alors, est-ce que c'est de l'hypocondrie? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai joué Mademoiselle Else sur scène, j'ai eu. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai une gastro. C'est très difficile d'avoir une gastro et de jouer pendant 1h40. Et depuis, j'ai cette manie d'avoir peur. En fait, j'ai peur quand je travaille des microbes et des bactéries. Vous autres qui êtes à la radio tous les jours, vous êtes habitués, vous savez que quand on a 42 fièvres, c'est pas toujours évident. Ouais, ouais. C'est pas simple. Et donc voilà, j'ai développé ce toc, effectivement, de me laver les mains sans arrêt. Merci, c'était Isabelle Carré qui nous explique la différence qu'il y a entre faire une filée et faire une filante. Isabelle est la présidente du. J'ai l'image. Au moins on comprend. Je préférais le robinet. Quand je pense qu'il y a la télé de Canal Plus qui est en train de vous filmer, non, là c'est sûr ça va être monté. C'est pour ça que vous permettez ça. Parce que c'est le nouveau canal et là ils ont dit non, ça c'est pas possible. D'accord. Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Bonjour à tous. Hola, Sia. Alors, j'ai lu dans Psychologie Magazine qu'il fallait poser. Faut pas. Mais c'est important. Hein, j'ai des lectures saines. Isabelle a souvent fait la une de ce journal. Et c'est pour ça que je l'ai lu. Et il disait dans ce magazine qu'il fallait poser des mots sur ce qui nous empêchait d'être heureux. Donc, je vais vous parler de mon fils. C'est atroce. Cette semaine, il va avoir des années de psy. J'en ai rien à foutre, vu ce qu'il me coûte. Cette semaine, il a voulu qu'on l'inscrive au taijitsu. Ouais. Alors le taijitsu, c'est un sport de combat. Hein. On m'a dit que c'était bien pour qu'il puisse se dépenser. Enfin, vu le prix, peut-être c'est surtout vous nous qui devrez y aller. Peut-être que c'est moi qui devrais y aller, mais vu le prix, je suis pas prêt d'y aller parce que c'est surtout nous qui allons dépenser. Hein. Hein, ça me fait quand même mal au cul de payer 200 euros par an pour qu'il se fasse taper dessus, alors que ses camarades de classe le font gratuitement à l'école. Alors ma femme m'a tout de suite dit qu'il fallait pas que je dise ça, que justement ça allait pas l'aider en grandissant, qu'il fallait l'encourager. Enfin, je vous pose la question, est-ce que c'est être un bon père de le laisser aller au casse-pipe? Moi, j'ai déjà vu mon fils être immobilisé au sol pendant 20 minutes par un t-shirt qu'il essayait d'enfiler. Non mais pendant 20 minutes je le regardais, il se torturait, papa j'arrive pas à enlever la tête. Donc imaginez contre un autre enfant, j'imagine même pas. Bref, faut pas encourager les gens à faire n'importe quoi. Et ça d'ailleurs c'est même une règle qu'on devrait suivre en politique, ne pas encourager les gens à faire n'importe quoi. Ça sera d'ailleurs la leçon 3 de mon manuel de survie dans l'isoloir, la folie des grandeurs, plus qu'un film, une tradition française. Une personne qu'il ne faut pas inviter à faire n'importe quoi, Hervé Mariton par exemple. Est-ce que vous croyez que le pote d'Hervé Mariton, qui lui a dit « Hervé, tu devrais te présenter aux primaires des Républicains, t'as toutes tes chances », c'est quelqu'un qui lui voulait du bien? Mais non, c'est clairement quelqu'un qui se foutait de sa gueule. Alors Hervé Mariton, il a dit « J'ai eu mes parrainages de justesse ». C'est peut-être qu'il y a une raison. Ben oui, personne le connaît, Hervé Mariton. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a cru que c'était le site de recettes de cuisine, à mariton.org. Le mec a été... Non mais c'est vrai, quand un site de cuisine est plus connu que toi, c'est... Il a été ministre de l'Outre-mer sous Villepin du 27 mars au 15 mai 2007. Même pas 2 mois. Il a fait qu'un seul voyage aux Antilles. Mais moi, j'appelle pas ça un mandat électoral, j'appelle ça des vacances. Mariton président. Et puis quoi, Daniel Morin féministe? Enfin, je veux dire... N'importe quoi. Et comment tu veux que ce mec soit un président honnête? Il est même pas honnête avec lui-même. Jean-Frédéric Poisson. Là, personne connaît. Le président du parti chrétien démocrate. Il se présente aux primaires, c'est pareil. Il a plus de chances de rencontrer Jésus qui fait ses cours chez Lidl que de gagner la primaire. Alors je sais que le mec est croyant, hein, c'est le principe. Il croit à l'Immaculée Conception, à la résurrection de Jésus, au buisson qui parle. Mais sa victoire à la primaire, putain, y a il quand faut même qu'il aille se faire raser au salon de... Mais voilà, j'y viens. Y a quand même des limites à la foi, non? En même temps, dans la famille, je doute de rien. À droite, il y en a un qui est vainqueur de cette primaire. Hein. Nicolas Sarkozy, c'est un zona politique ce mec. Mal soigné, il réapparaît tout le temps. Quand tu penses qu'aux États-Unis, Hillary Clinton va peut-être abandonner sa campagne à cause d'un gros rhume, en France, on a un candidat mis en examen qui a tellement de casseroles au cul, tu peux tourner top chef derrière lui. Eh ben rien, même pas une once de gêne, le type il veut redevenir président. Sarkozy qui veut redevenir président, c'est Marc Dutroux qui se présente chez toi pour faire du babysitting. Oh. Et puis pour la parité, tu repasseras dans ces primaires. Hein. Je veux dire, NKM, c'est la pauvre NKM, mais c'est la schtroumpfette dans ces primaires. La seule fille dans une bande de quinquagénaires tout blanc. J'avais pas vu une aussi faible représentation des femmes depuis Leïla dans cette émission. C'est vrai. Voilà. François Fillon aussi, le mec qui se prend pour Booba avec le physique de Mr Bean. Ah, il est marrant lui. Il fait le show dans sa salle de bain quand il est tout seul à la taxi driver. Ouais, hein, you talking to me. Alors que 5 ans au gouvernement, il soufflait sur les cafés trop chauds de Nicolas Sarkozy. Au quartier, je suis désolé, on appelle ça une baltringue. Alors hier, il était à Bruxelles, pas à Molenbeek, hein, à l'hôtel Métropole pour séduire les exilés fiscaux. Alors pardon, François Fillon les appelle ceux qui sont partis en raison de la complexité de la fiscalité française en quête de liberté et d'oxygène. Oh, c'est joliment dit. Un élu qui tape dans la caisse, François Fillon doit appeler ça un politicien qui ramène du travail à la maison. Il y a Bruno aussi, Bruno Le Maire, l'homme qui va rénover la politique en portant des chemises à manches courtes. Hier, il était au salon de la coiffure, salon où Alain Juppé a fait un passage éclair. Ouais, il ne se sentait pas concerné. Il a tapé la bise à Macron, qui était aussi, hein, je rappelle, Macron, l'homme qui est sorti du gouvernement pour nous dire ce qu'il y ferait s'il y était. Ils étaient tous là-bas. Faut dire, depuis qu'on sait combien touche le coiffeur de Lande, ils se disent tous qu'il y a un gros électorat de droite. Hein. C'est blindé un coiffeur. Hein. C'est pour ça que quand j'ai vu tout ça, j'ai dit à ma femme, si tu tiens vraiment à ce que notre fils se batte et apprenne à faire du mal aux gens, pourquoi tu veux qu'il fasse du taijitsu? On n'a qu'à l'inscrire chez les Républicains. Yeah. La bande originale. D'ailleurs, il y a un peu de politique. Je suis en train de me souvenir dans le film La vie à l'envers, qui passera donc le 21 septembre sur France 2, puisque le premier signe où votre maman, dans le téléfilm interprété par Marthe Keller, vous dites « elle a perdu la tête », c'est quand elle fait un chèque de 30 000 euros pour Mélenchon. ça part comme ça, et c'est rempli avoir des doutes sur son état. C'est ça, et c'est rempli de très bonnes vannes. Les doutes étant que, évidemment, elle n'a pas 30 000 euros sur son compte en banque. On n'est pas là en train de faire de politique. Mais également. Il y a quelques idées comme ça qui sont assénées entre extrême droite, extrême gauche, oui. Même entre sœurs, entre frangines. On évoquera évidemment ce téléfilm avec vous, Isabelle Carré, plus tard dans cette émission, et aussi avec Barbara Schulz, qui sera notre invitée la semaine prochaine, puisqu'elle est pile mercredi prochain, puisqu'elle est au théâtre avec Pascal Elbé. et que ça sera le jour de la diffusion de ce téléfilm. Donc on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Je peux rajouter que je suis fan de cette actrice. Voilà. Oui, et ainsi que de Pascal, d'ailleurs. Non, contrairement à Pascal Arbillot, vous m'avez dit que Barbara était beaucoup plus sympathique que Pascal Arbillot. C'est même Pascal... moi qui ai demandé qu'elle soit dans le jury, parce que voilà, on n'arrive plus à se quitter, en fait. Ça ne marche pas. Comme quoi, parfois, il y a des comédiennes copines. Mais non, mais ça, c'est un truc misogyne de penser que les actrices entre elles ne s'entendent pas. En tout cas, les vous quatre... Vous auriez dû venir sur le tournage et vous auriez vu que c'était tellement bien. Les quatre... on avait déjà constaté aussi avec Léa Drucker et Pascal Arbillot l'amitié Léa Drucker, oui. Elle pourrait faire partie d'abord, Léa Drucker, carrément. Voilà. On va écouter la musique d'Isabelle Carré. C'est vous qui avez fait... Merci d'ailleurs de l'avoir fait, cette programmation. En 1975, Isabelle... Encore une caméra, ils sont pas partis finalement. Carla Bruni. Isabelle. Et là, ça gémit pendant. Ouais. Calme-toi, Nagui, calme-toi. C'est comme ça. Oui. J'adorais. Donna Summer, j'adorais. Bah ouais, Donna Summer. En 75, vous inscrivez au Centre américain. C'est la bande originale de votre année 75, ça vous... Alors, on faisait des grands concours de danse avec mes frères, et notamment sur cette musique-là. Mais tout le monde gagnait à la fin, comme dans l'école des fans. Comme dans l'école des fans. C'est vos parents qui vous ont inscrit au centre américain. Oui, absolument. C'était la seule activité. Mes enfants en font plusieurs. Moi, j'en avais droit qu'à une, mais c'était super. C'était plutôt la danse, plutôt le théâtre que... Alors, on a fait de l'expression primitive. On était dans les années 70. L'expression primitive, Eh bien, c'est danser la danse du soleil, danser la danse du Ouagadougou Radou, par exemple, ou du Chmoulikou, ou du Ramikou. Daniel maîtrise le Chmoulikou. Oui. Encore ce matin, il me faisait une démonstration dans les couloirs. Qu'est-ce que la danse vous a apporté en termes d'éducation, la transmission? Mais après, j'ai voulu être danseuse, mais classique. Alors là, c'était vraiment raté. Est-ce que ça vous a aidé à l'expression corporelle, justement, au théâtre, à vous sentir à l'aise sur des planches, à ne pas avoir, pas être timide devant une caméra? Qu'est-ce que la danse donne? Je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de s'exprimer un peu, de ne pas être coincé dans notre corps comme on l'est derrière les ordinateurs et tout ça. Et aujourd'hui, je fais de la danse africaine le plus souvent possible. Et ça m'aide à libérer toutes ces énergies négatives. Mmh. Vous êtes encore timide devant une caméra? Oui. Vous êtes encore timide devant un Africain? Non. Mais ça va pas. Mais non, mais elle est censée, cette question. En 1988, Isabelle Carré écoute. Just Like Heaven, qui me semble-t-il était aussi le générique des Enfants du Rock. Absolument, j'adorais les Enfants du Rock. Ouais, c'était bien. C'était juste après Champs-Élysées. Ouais. On attendait Champs-Élysées et on regardait les Enfants du Rock. Exactement. Vous êtes recalé au concours d'entrée au conservatoire. Un jury qui vous a jugé. Je vous qui êtes maintenant perçu. Président du jury. Il s'est passé quoi? J'avais peur. Vous en avez qu'à souvenir, ouais. J'avais peur, j'avais à peine 18 ans, j'en faisais 13. Je crois que j'avais pas du tout mis la bonne robe. Comme quoi, vous voyez, on en revient au problème de la robe. Oui, on en revient, non mais c'est vrai. Il faudrait que je fasse appel à des relookers ou pas. C'était quoi comme robe? Elle vous mettait pas en valeur? Non. Ou pas, me fait signe, non. Non, mais c'était quoi? J'avais 10 ans et demi quoi, avec cette robe, donc ils m'ont dit c'est bien de revenir plus tard. Quand tu seras majeur. C'est ça. Et vous aviez joué quoi comme... Alors j'avais joué... Dora l'exploratrice. Ça aussi c'était très difficile parce qu'il fallait que je regarde tous les membres du jury en leur disant c'était d'Henri Blas, la reine d'Henri Blas. Seuls, ils m'ont tous laissé, pauvre esprit sans flambeau dans un chemin obscur, oh, cette main sanglante empreinte sur le mur et c'est donc blessé, Dieu mais aussi c'est sa faute. Pourquoi vouloir franchir la muraille si haute? Voilà, et là, en regardant tout le monde, c'est moi qui suis tombée du mur, en fait. Vous avez une mémoire incroyable. Ce que j'allais dire, oui, pour quelqu'un qui a joué une malade d'Alzheimer dans Se souvenir des belles choses, ou une fille malade d'Alzheimer dans La vie à l'envers qui passera le 21 septembre, vous avez une mémoire de dingue. Est-ce que vous vous souvenez de tous les textes classiques que vous avez... Pas tous, mais c'est vrai que j'ai quand même des barrettes de mémoire. Alors, c'est pour ça qu'elles sont souvent prises par ces textes, et pour le reste, c'est compliqué. C'est-à-dire se souvenir des codes, des numéros de téléphone, des rendez-vous. Qui est mon enfant parmi ceux qui sortent de l'école là maintenant? Moins envie pratique alors. Voilà, je bug un peu là-dessus. Ouais. En 2003-2004. Bachelorette. Björk, ouais. Ouais. J'ai même été sur les traces de Björk. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai été en Islande, en vrai fan, espérant la trouver dans un café, ou je sais pas. Vous êtes déjà allé à ces concerts ? Vous sortez souvent ? Vous avez le temps d'aller à des concerts ? Alors, très peu, parce que j'ai aussi peur de la foule. Et là, en ce moment, je veux dire que ça ne s'améliore pas. Ouais, malheureusement. Voilà, mais... En plus, vous êtes souvent, très souvent au théâtre, donc ça vient vous bouffer 92% de vos soirées. Mais j'ai quand même vu Björk 3 fois ou 4 fois en concert. Ah oui, donc une vraie fan. Bowie aussi, quand même. Non, quand faut y aller, faut y aller. et quand vous aimez, vous aimez. Ouais. Et vous êtes une fan inconditionnelle, c'est-à-dire vous avez la totale des albums oui, chez vous, de Bowie ou de Björk. J'avoue que j'ai un peu freiné ces dernières années. Quand c'est devenu un peu plus abstrait, on va dire ça comme ça, mais je reviens toujours à ses premiers albums, même à quand elle faisait du jazz. Ouais, je suis fan, ouais. J'adore son énergie en fait et sa singularité. It's all so quiet. Ça déchirait ça aussi. Ouais. 2003-2004, ce sont les années où vous recevez le César de la meilleure actrice dans justement Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman et le Molière de la meilleure comédienne dans une pièce mise en scène par Zabou Breitman, mmh. Votre étoile. Vraiment, hein, ouais. Dans l'hiver sous la table, mais en même temps, c'était tellement mérité. C'est une telle claque quand on. Vous avez vu sur scène et j'avais eu cette chance et de vous le dire aussi avec le recul, cette rencontre avec Zabou Breitman, vous vous souvenez de du premier jour, de la première minute, du moment où oui. Vous êtes présentés l'une à l'autre? Quand elle m'a parlé, c'est donc de jouer une personne atteinte d'Alzheimer et j'avais une trentaine d'années, je me suis dit que c'était impossible en fait. Déjà je me sentais trop jeune, même si malheureusement, il y a quelques cas comme ça d'Alzheimer ouais. précoce, mais j'avais l'impression que ça serait pas crédible. Et puis, je voyais pas du tout comment jouer ça. Et cette confiance, en fait, qu'elle m'a donnée, c'est quelque chose, oui, qui a été fondateur pour moi, dans le sens où je me dis, rien n'est impossible, en fin de compte, quitte à se planter. Je pense que les gens ne vous en veulent pas, enfin j'espère, ne vous en voudront jamais, de prendre des risques, entre guillemets, on n'est pas non plus en haut d'un immeuble sans casque, hein, mais voilà, d'essayer des choses, quitte à se planter, plutôt que de devenir la caricature de soi-même, un acteur qui se fige, parce que tout à coup on lui a dit, ah là, t'étais bien, mmh. et on refait toujours la même sauce, et voilà. Je sais pas toi, Leïla, mais j'ai toujours l'impression, en tout cas, quand on m'annonce une pièce de théâtre avec Isabelle Carré ou un film ou un téléfilm, ça va être la même chose. Je sais que ça va être, je sais que ça va être intelligent. Je sais déjà que ça va être extrêmement bien joué et juste, ce qui est, voilà, c'est le propre quand même de la qualité d'une excellente comédienne comme elle. Mais on sait que ça sera intelligent. Mais c'est un gage de qualité. On vous a vu aux côtés de Stéphane de Groot récemment dans un très très beau film, un premier film d'ailleurs. Aidez-moi pour le titre. Willoughby. Paris-Willoughby. Et ça, c'était vraiment, vous étiez incroyable. Tous les deux dans ce couple, et à chaque fois, moi j'ai l'impression, au contraire. On a un projet de théâtre ensemble. Ah merde. J'espère qu'on va. Ouais. Ah ouais, vous allez plus loin alors. Ah, parce que là, il est avec Bérénice Bejo. Je sais, il va falloir mais que... je m'inscris en deuse. En deuse. Ah ouais, il fait que dans Jolie Fille, bonne comédienne. C'est bien comme métier coup. En même temps. Hein. Ouais, du coup, on valide. Nous avons demandé à Alexandra Hakoun, notre consoeur, merci Alexandra de venir. Merci Alexandra. Merci Alexandra. C'est courageux surtout. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. À bientôt. Il a fallu insister. Ça va Alexandra? J'aime bien comment vous mettez les gens à l'aise. C'est un métier. Non mais on est là. Tous les samedis, elle est à 8h50, elle porte son regard sur les médias, sur Internet. Justement, pour parler de la fiction, tout à l'heure Isabelle Carré nous a dit à propos de ce 18e festival de La Rochelle que la fiction n'était plus exactement la même, celle qu'on connaissait à l'époque de l'Institut de Louis Abrocante. Et je suis complètement d'accord. J'ai entendu plein de vilaines choses hein, de ouais. votre part c'est tout à l'heure. Ouais, il sera fouetté à moi. Non, il y a un vrai renouveau de la fiction. C'est ce qui a marqué sur le bon de commande. Depuis plusieurs années, quand même. Non, mais. Il est fou. Il y a un vrai renouveau. Vous ne laissez pas. On va dire depuis 5-6 ans, vraiment, il y a un changement dans la fiction française. Et on voit. Alors, vous citiez tout à l'heure Isabelle Carré, le policier, on en a marre de voir des séries oui. policières, etc. En même temps, c'est encore ce qui marche, mais ce qui a changé à l'intérieur, c'est les la revenants. Nature, c'est les la nature des personnages. C'était nouveau, quand même. Les revenants, c'était étonnant. On n'avait jamais fait de la science-fiction comme ça à la télévision française. Ouais. Oui, et le policier, vous dites, n'est plus le même. Les codes, les codes de lecture. Voilà. On a des flics pourris, on a des héros auxquels on peut s'identifier enfin, qui sont effectivement, qui ne sont pas Louis la Brocante. J'ai pas très bien compris. Il y a besoin qu'ils soient pourris pour vous identifier. Non, c'est pas ça. Ça, c'est parce qu'Alexandra a croisé votre regard. Ils ont des problèmes. Ils sont pas maniqués. Ils sont humains, en fait. Ils sont humains, ils ont des failles, ils ont des sentiments, comme moi et peut-être vous, je ne sais pas. Non, moi, lui. Oui, mais moi. Donc, c'est vraiment ça aussi qui a changé. Et puis, il faut dire aussi, il y a les moyens qu'on y met. Les scénarios sont beaucoup plus travaillés. Les scénarios sont plus travaillés, inspirés par la fiction américaine, parce que pendant des années, on s'est dit, voilà, alors, avec juste un scénariste, déjà, on va mettre 100 ans à faire une série télé. C'est ce que nous reprochent aussi les étrangers. Et voilà pourquoi on a autant de mal à exporter nos séries. C'est qu'il faut attendre plus d'un an entre deux saisons et que le public aime consommer rapidement. Ceci dit, le budget pour les scénarios, c'est encore trois fois moins important en France que pour les États-Unis. Le budget scénario. Tout à fait, mais on commence quand même à avoir des équipes de scénaristes avec ce qu'on appelle à l'américaine des showrunners. Mmh. Par exemple, ça a été le cas sur Engrenage les dernières saisons avec Anne Landois, qui s'occupe d'être une espèce de super scénariste qui va superviser la série de A à Z avec des gens qui écrivent avec elle. Donc ce sont des auteurs qui ont écrit ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire quels sont les caractères des personnages, et qui vont demander ensuite à d'autres auteurs d'écrire une histoire, les dialogues, les intrigues et autres sous-intrigues. Exactement. Et eux sont responsables comme un chef de rédaction, responsable d'édition, responsable de la bonne tenue. Ou comme un chef d'orchestre. C'est voilà. Et c'est le cas dans le Bureau des Légendes, par exemple. Exactement. Et il y a aussi la venue maintenant de comédiens aussi du cinéma qui amènent une valeur ajoutée. Ah ben oui, on ne se bouge plus le nez. On ne se bouge plus le nez pour aller jouer dans une série télé. Alors ce qui est marrant, par exemple, la dernière série qui a cartonné sur France 2, 10% de Dominique Besnéard, écrite par Dominique Besnéard, il m'expliquait juste avant la diffusion qu'il avait eu beaucoup de mal à faire venir des personnalités connues. Tout le monde première. Se bat pour y aller. Ouais. Et voilà, pour la saison 2, là, tout le monde s'est battu pour être absolument dans 10%. C'est la preuve qu'on peut faire des choses bien en fiction française, malgré ce que vous racontez. Et être exportable. Alors justement, parlons-en de l'export et surtout du mode de production. Est-ce qu'on va de plus en plus vers des productions européennes, c'est-à-dire avec des échanges entre pas uniquement les pays francophones, mais aussi, que sais-je, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne. Oui, parce que c'est devenu presque une nécessité pour avoir des séries qui sont compétitives sur le marché international. Il faut pouvoir mettre de l'argent dans ces séries-là. Donc, on a plus d'argent quand on s'associe avec d'autres pays. Là, par exemple, il y a sur Canal+, va arriver bientôt The Young Pope avec Jude Law, qui est une coproduction avec HBO. Le jeune pape. Le jeune pape. D'accord. Voilà. Mais ça a un revers, c'est-à-dire que ces séries, elles sont tournées en anglais. Elles sont faites pour l'export. D'accord. Versailles a été entièrement tourné par Canal+, Marco en anglais. Même les comédiens français jouaient en anglais. Ah ben il y en a de plus en plus. Oui. D'accord. Dans Versailles, ça existe. Il y avait Alcazar. Il y a une exception, Narcos. Narcos. Qui a été, la langue n'est pas anglaise. Oui, mais c'est Netflix. Oui, mais là, c'est intégralement colombien. Oui, mais alors je dirais oui, tout à fait. Mais regardez le marché des hispanophones dans le monde, il est énorme. Donc on peut aussi se permettre de faire une fiction en espagnol. Nous Français, faire une coproduction avec l'Espagne, ce qui va être le cas là. D'ailleurs, c'est présenté au Festival de La Rochelle. Cannabis qui va passer sur Arte, c'est une coproduction espagnole. Très bon enchaînement après Narcos. Il y a des thématiques comme ça qui inspirent. Et le blé en herbe, c'est bientôt. Maintenant, une petite précision quand même. Oui, on exporte de plus en plus, nous les Français, nos séries. Maintenant, on a investi l'année dernière 639 millions d'euros dans les fictions. Et à l'export, elles nous ont rapporté 39 millions. On va quand même préciser. Alors, il y a un débat qui va être pendant le festival, là, du 14 au 18. Est-ce qu'on se donne les moyens d'exporter? Voilà, ça va être le grand débat central. Donc, je pourrais vous en parler après. D'accord. En fait. On fait une petite fiche, une petite note. Revenez, comme ça on parlera du théâtre aussi, au théâtre de l'œuvre. Il y a quand même des obligations des chaînes de télévision. Elles oui. sont mécaniquement, contractuellement obligées de produire une masse d'heures de fiction et surtout de dépenser une masse d'argent. Ça oui. fait partie de leur chiffre d'affaires. Ce qui fait que heureusement, c'est l'exception culturelle française. Mais c'est pas un pourcentage qui est en train d'augmenter là ? Normalement, c'est un pourcentage qui devrait grimper. Ouais, oui, parce dans les qu'en années fait, qui ils viennent. Se rendent compte qu'il y a un public et que ça augmente l'audimat. Et puis que les chaînes ont besoin aussi de faire rentrer de l'argent et d'avoir des produits qu'on peut revendre à l'étranger, à d'autres chaînes. Qu'est-ce qui fait la différence entre une fiction et un film ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les auteurs, les producteurs, les réalisateurs décident que ce produit-là est fait pour la télévision et pas pour sortir au cinéma ? C'est les problèmes de budget ? Vous voulez dire par rapport à un téléfilm ? Oui, oui, un unitaire. En l'occurrence, je repense encore une fois à La vie à l'envers, portée par Isabelle Carré, Barbara Schulz, Marthe Keller, Pascal Arbillot, Julien Boisselier et Guillaume Zonkédec. Quand on voit cette affiche, on se dit, mais... Et surtout quand on voit le film, mais pourquoi c'est pas au cinéma ? Eh ben, ça vient des gens qui ont l'idée de ce genre de projet aussi. C'est un problème de moyens, c'est un problème de budget. C'est plus tellement un problème de moyens. Je pense que c'est un problème de c'est une question de sujet. Finalement, à la télé, maintenant, on a de plus en plus de sujets sociaux. Et c'est en train de prendre un peu la place du cinéma. Au cinéma, les financiers investissent davantage maintenant dans des grosses comédies ou dans des films de genre ou dans des voilà. Tandis que des films sur la famille, des films sociétal, maintenant c'est le petit écran qui s'en empare. Exactement. Est-ce qu'il y a des recettes ? Est-ce qu'il y a des demandes, des commandes faites par les chaînes en disant, je repense... Ceci dit, il y a des films de cinéma qui ressemblent à des téléfilms. Hein, et qui sont là pour remplir les cases à 20h30 des chaînes hertziennes. Et on le sait dès le départ, on sait que ça va être une sorte de téléfilm amélioré en fin de compte, et que c'est juste pour remplir ces cases-là du 20h30. Pas mieux. Donc, est-ce qu'il y a des commandes faites par les chaînes en disant, en allant voir des producteurs, des auteurs, en disant, faites-nous rapidement dans l'année un film justement sur les migrants. Il faudrait que nous allions sur tel sujet, ou alors ça va être le Xème anniversaire de la mort d'un tel. Faites-moi un biopic. Est-ce que ça fonctionne comme ça aussi ? Il y a ça, mais il y a aussi surtout de la part des chaînes, et c'est ce qu'on entend un peu à droite à gauche, c'est l'envie des diffuseurs de dire. Faites-nous des séries qui ont de l'audace. Faites-nous de la fiction qui a de l'audace. D'accord, mais alors à partir de ça, c'est vrai que c'est assez large. Déjà, c'est bien déjà de lancer ça déjà. Ce qui avait été le cas de Clara Scheller, qui avait osé. Qui avait très bien marché, mais absolument. C'était il y a combien d'années, Clara Scheller ? Oui, 15 ans. 15 ans, oui, facilement. 14 ans. 14 ans cette année. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont. Ils voudraient faire des choses audacieuses, les diffuseurs, et à la fois, on les sent. Oui, mais il faut aussi que ça fasse de l'audience, que alors ça marche. Résultat, regardez, qui finance vraiment la fiction en France au niveau des diffuseurs, hein, les plus gros financiers, ce sont France Télévisions à plus de 50% et TF1, à eux deux, ils font 80% du financement. Et en même temps, ceux qui osent le plus, c'est pas eux qui financent le plus Canal+. Ils financent beaucoup, mais Arte c'est pas aussi eux qui fait beaucoup de très audacieux. Mais voilà, maintenant, l'audace, elle vient surtout du côté de Canal+, et du côté de Arte, un petit peu plus détaché aux audiences, on va dire, un peu plus confidentielles. Arte, je rappelle quand même qu'elle peut se permettre d'oser, elle n'a aucun... Il n'y a aucun recours du CSA contre Arte. Donc, ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent mettre... absolument. Ils peuvent parler de drogue, mettre des gens à poil, faire exactement ce qu'ils veulent. Ça a l'air bien ce film, c'est quoi Le CSA n'a strictement rien à dire sur ce que fait Parce que c'est une Arte. Chaîne franco-allemande, voilà, et que ce n'est pas régi uniquement par le CSA et la France. Vous qui êtes au courant de tout, qu'est-ce qui va nous arriver dans les semaines ou les mois à venir en française, ouais, on doit, de française ou ce que vous voulez, ce qui vous plaît, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper. Young Pop, ça a l'air bien, ça a l'air prometteur. De Young Pop, ça a l'air pas mal. Ce que j'attends vraiment avec impatience, on parlait justement des comédiens de cinéma qui viennent à la télévision. Alors là, c'est un comédien et réalisateur, c'est Woody Allen quand même, qui a réalisé pour la première fois une série télé. Il passe derrière le petit écran pour une série qui s'appelle Crisis in Six Scenes. D'accord. Et c'est financé par Amazon. Et on s'aperçoit que là aussi, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, qui finance à l'heure actuelle de la fiction ? Eh bien, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est HBO, encore un peu. Mais il y a vraiment, finalement, la télé, on va plus dire des séries télé, parce qu'il n'y a plus la télé derrière. Ouais. On les consomme aussi autrement. Et voilà, donc Woody Allen, moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a The Crown aussi sur la vie de la reine Victoria, qui va arriver bientôt sur Netflix. Et là, c'est une série. Ouais, je suis trop à la bourre, moi. 116 millions d'euros. Il y a le mot paradigme qui vient d'arriver sur ce plateau, et je peux vous dire qu'on sait que le service culture vient de démolir. Rendez-vous, et vous voulez rajouter quelque chose? Non, 116 millions d'euros de financement pour The Crown. Voilà, donc on est vraiment dans des budgets là pour des séries télé. De super production. Le regard sur les médias, c'est celui d'Alexandra Acoun sur Inter le samedi à 8h50. Merci Alexandra d'avoir apporté votre connaissance sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Mais justement, Daniel Morin, vous qui avez réponse à tout, est-ce que la télé ne serait pas l'avenir du cinéma ? Oh nom d'un chien. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? La clairvoyance de votre question. Ouais, je sais. Ça me foudroie, monsieur Guy. Il n'en est pas moins vrai que, malheureusement, ce n'est pas la bonne question à poser en l'état. Non, la bonne question est, le cinéma ne serait-il pas l'avenir de la télévision ? Eh ouais, ça vaut la coupe, monsieur Guy. Et pourtant, c'est la vérité. Entre nous, vous le savez bien... La télé est en train de crever. À part vous, monsieur Guy, qui êtes toujours tête de gondole chez la ménagère Naffeman de plus de 85 ans en retour de libido, regardez autour de vous. Ça chute, ça plonge. Le Grand Journal, hier, 9 téléspectateurs. Hier encore, Thomas Touroud, qui occupe la case juste avant vous, 3 téléspectateurs. Les parents de l'animateur plus le chien. Non, rien ne va plus, il faut que le cinéma vienne au secours de la téloche. La seule petite lueur d'espoir qui pointe dans la brume de sa décrépitude, c'est le cinéma. Que le cinéma prenne à bras le corps des émissions et qu'il en fasse de bons gros clockbusters. Yeah. Voilà. Et il y a de quoi imaginer. Columbia Pictures Entertainment et France Télévisions présentent Règlement de compte aux chiffres et aux lettres. C'est lors du face-à-face final entre Jason, interprété par Brad Pitt, et Jimmy, joué par Gérard Depardieu. La tension est à son comble. Consonne. Elle. Consonne. D. Voyelle. U. Voyelle. O. Consonne. R. Consonne. C. Consonne. T. Voyelle. U. Et voyelle. U. Il les fait bien. Oui, c'est un peu long, mais bon. Jason, 2 lettres. Tu. Pas mal. Jimmy, vous avez mieux? 9 lettres. Trop du cul. Oh, excellent. Hey, c'est pour moi que tu dis ça? Peut-être. Est-ce que Jason a tué Jimmy? Est-ce que Jimmy a buté Jason? Ou bien est-ce que les deux candidats en ont profité pour buter Laurent Romeshko? Vous le saurez en allant voir Règlement de compte aux chiffres et aux lettres. Voilà, ça c'est de la télé qui gagne, Nagui. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est du cinéma. Alors, comme quoi, une nouvelle fois, une fois encore, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez dit n'importe quoi. Yes. Nagui sur France Inter. Isabelle Carré, je vais commencer toutes mes phrases par « je n'oublierai jamais », vous qui êtes concernée par le problème d'Alzheimer, à vous de compléter comme vous le souhaitez ces phrases, c'est Richard Lanna qui nous accompagne. « Je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait... » Plein de sculptures qui faisaient peur. « Je n'oublierai jamais mon professeur de... » Danse, qui était très très dur avec moi. « Je n'oublierai jamais la phrase que disait mon papa ou ma maman... » Ce qu'on réussit le mieux, c'est ses rêves. Justement, je n'oublierai jamais le but que je me suis fixé dans la vie. Ne pas devenir danseuse. Je n'oublierai jamais la sale manie que j'ai de... De me laver les mains. C'est pas sale, ça. Je n'oublierai jamais mon péché mignon. Manger du chocolat. Noir ? Non, au lait avec des noisettes. Isabelle Carré, la présidente du 18e jury du Festival de La Rochelle, est notre invitée jusqu'à 12h30 sur Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip. Le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Tous les soirs, un parcours dans l'univers d'un musicien avec de drôles d'histoires, d'étranges découvertes et en tout cas plein de surprises. Crooked smile and a heart-shaped face. comes from the West Country with a bird sing bass. Cette semaine, à l'occasion du retour de Nick Cave au premier plan, un voyage au cœur de ses influences, de son inspiration et de son style à la fois féroce et romantique. Very good trip. À tout à l'heure sur France Inter à partir de 21h. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. Tiens, là, une place. Ah non, dommage. Smart for Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Duc de Gotland, de Christian Dietrich Grabe, mise en scène de Bernard Sobel, jusqu'au 9 octobre au théâtre de l'Épée de Bois, La Cartoucherie. Tu vivras éternellement ton éternel suicide. Je ne me laisserai pas condamner par Dieu. Avec notamment Denis Lavant, Mathieu Marie, Jean-Claude Jay. Ta soif de vengeance, pour te tromper toi-même, tu l'as baptisée justice. Retrouvez le Duc de Gotland dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Pour vous informer, Laetitia Gaillet. Malgré la portée du symbole de Belfort, l'attachement du groupe à ce site, nous devons faire ce choix aujourd'hui pour préserver les emplois et la position des autres sites du groupe. C'est le message aujourd'hui signé de la main du patron d'Alstom à ses salariés, Henri Poupart-Lafarge, qui considère qu'il est impossible d'assurer un avenir pérenne pour le site de Belfort. Aucune locomotive n'a, dit-il, été commandée depuis plus de 10 ans à Alstom en France et la production des motrices TGV non assurée après 2018 est au rythme le plus bas de son histoire. Ce n'est pas l'avis là de l'exécutif qui, en tant qu'actionnaire minoritaire, tente une solution alternative pour maintenir le site de Belfort. De Bucarest en Roumanie, où il est en déplacement aujourd'hui, François Hollande a de nouveau mis la pression sur la direction d'Alstom. On l'écoute. Quand il y a des grandes filières qui doivent être soutenues, nous devons nous engager. En ce moment, c'est le cas pour la filière ferroviaire avec Alstom. Nous devons. Et je vais donner cette direction, nous mobiliser pour qu'il y ait plus de commandes qui soient apportées et pour que cette entreprise-là puisse garder ses sites et ce faisant puisse être un fleuron de notre industrie. Alstom, chaque fois que je me déplace à l'étranger, dans les plus grands pays émergents ou dans les pays même les plus développés comme les États-Unis, Alstom signe des contrats. François Hollande. De son côté, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, dénonce aujourd'hui une posture du gouvernement au sujet d'Alstom. Nos politiques font semblant de découvrir qu'il y a un problème. Pierre Gattaz qui met aussi en garde contre la tentation de passer des commandes artificielles à Alstom pour permettre justement au site de Belfort de maintenir ses emplois. Au rayon, rendez-vous maintenant cet après-midi. Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, reçoit les syndicats et à 16h, le maire de Belfort et des élus de la région seront eux dans le bureau du patron d'Alstom. À noter, François Hollande a également annoncé aujourd'hui de Bucarest où il est en déplacement qu'il comptait se rendre dans les prochaines semaines à Florange en Moselle sur le site d'ArcelorMittal. Le chef de l'État avait promis d'y aller chaque année depuis l'annonce de la fermeture des hauts fourneaux. Le dossier Alstom sera bien sûr dans l'échéancier du Trésor de Bruno Duvic tout à l'heure. On ira également en Syrie où la trêve est relativement bien respectée depuis son entrée en vigueur hier. Le dossier des migrants sera également sur la table avec le plan Cazeneuve pour les répartir. 12 000 places devront être créées à travers la France d'ici la fin de l'année pour évacuer les migrants de Calais. Et puis, autre sujet du Trésor, comment former le personnel des centres de déradicalisation? Le premier va ouvrir prochainement à Beaumont-en-Veyron, en Indre-et-Loire. Et pour en parler, Bruno Duvic recevra Patrick Amoyel, psychologue à Nice, à la tête de l'association entre autres. C'est lui qui a été retenu pour former le personnel de Beaumont-en-Veyron. La jeune fille victime de coups de couteau hier dans un lycée de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône est toujours entre la vie et la mort. Cette lycéenne de première a été poignardée par un des élèves de sa classe. On ne connaît pas le motif de l'agression. D'après le procureur, rien ne laisse penser qu'il s'agit là d'un acte terroriste. L'agresseur lui est toujours en garde à vue. Une cellule psychologique a été ouverte dans le lycée. 100 000 visiteurs sont attendus jusqu'à vendredi au Salon international des productions animales à Rennes. Space, c'est son nom, a ouvert ses portes ce matin. Mais l'ambiance n'est pas franchement à la fête. Après la crise du porc, il y a eu la crise du lait et de la viande en général. Pas simple pour les éleveurs. Marcel Deniol confirme, il est éleveur et aussi président du Space. L'an dernier, on était en pleine crise porcine. Là, ça s'est calmé. Par contre, on peut parler vraiment de crise laitière et aussi crise bovine. Je dirais qu'ils sont vraiment... Et on entend vraiment le questionnement de mes collègues, je dirais, sur leur sens de, le sens de leur métier. Finalement, est-ce qu'on est encore en crise ou est-ce qu'on n'est pas dans une grande mutation? Et je crois que le sentiment, enfin mon analyse et le sentiment de collègues aussi, c'est de sentir cette mutation. Le souci, c'est que cette mutation, on ne dit pas vers où on va. Et là, j'ai envie de dire aussi aux politiques, peut-être de s'exprimer plus clairement vers où on va, ce qu'on demande aux éleveurs, de façon à ce qu'ils sachent vraiment où on va et d'être capable de s'y adapter, ou s'ils ne peuvent pas s'y adapter, de trouver des solutions. Tandis que là, on a plutôt le sentiment du non-dit, et c'est ce qui provoque aussi l'inquiétude et aussi la fatigue générale un peu des éleveurs. Des propos recueillis par Guillaume Gaven. Dans un an, jour pour jour, le CIO, le Comité international olympique, décidera de l'avenir de Paris. Comprenez, il décidera si Paris peut accueillir les Jeux olympiques de 2024. Alors à un an de cette date, le Comité de candidature de Paris 2024 a lancé sa campagne nationale de sensibilisation aujourd'hui à Marseille. Selon Tony Estanguet, le co-président, la compétition est rude, mais la victoire est possible. L'ancien triple médaillé olympique cible ses trois adversaires. Los Angeles, Rome et Budapest. Vous écoutez France Inter, il est 12h05. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. Si je vous dis qu'on la voit danser le long des golfes clairs, vous me dites la mer. Et oui, on invite la mer dans la récréation. Elle a tellement inspiré les compositeurs. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que j'ai souscrit Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursé sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garantie Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. Et oui, c'est comme ça. Il y a une suite à la bande originale et c'est avec Nagui. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Non, même ça va péter sec. Et on reviendra demain aussi si on est des fous. À tout à l'heure pour vous informer toute l'après-midi. Titia Gaillet sera là et à 13h, c'est le journal d'Inter présenté par Bruno Duvic. À tout à l'heure, Titia. À tout. Bande originale avec Leïla Kadour-Boudali, Tom Villa, Frédéric Cyrils, Daniel Mora, Richard Lambin, et notre invité est Isabelle Carré. Isabelle Carré. Et ouais, la vraie, la douce. Vous vous rendez compte, est-ce que au moins vous ressentez qu'autour de cette table, il n'y a que de l'admiration et de l'amour pour vous? Bah, disons que je me sens pas mal à l'aise. Ça va alors. Je reviens demain, moi aussi. 18e édition de ce festival de La Rochelle, un festival où vous êtes déjà allé en tant que en compétition, comme on dit. Voilà, en compétition, ouais, il y a une bonne petite dizaine d'années maintenant. Et c'était une projection vraiment extraordinaire. Et je pense que ça tient au public, en fait, qui n'est pas justement accrédité, mais qui vient gratuitement et très nombreux. Je crois qu'il y a 35 000 personnes. Qui viennent assister aux projections. Et 2000 professionnels. Donc, ça fait du monde et c'est des gens passionnés, quoi. Et vraiment, on ressent cette qualité-là. Donc, c'est pour ça que j'avais envie aussi d'y retourner. Sans dévoiler les secrets de votre rôle de présidente du jury, puisque vous avez déjà commencé à voir quelques séries entre guillemets en compétition, est-ce que vous remarquez une tendance? Est-ce qu'il y a déjà un air du temps qui saute aux yeux? Oui, je trouve que c'est un petit peu comme en fait la sortie littéraire là, de cette rentrée. Il y a beaucoup de choses qui partent de la famille, beaucoup de sujets aussi sociaux, donc comme on disait tout à l'heure, et assez réalistes et assez audacieux en fait. Donc c'est vraiment un reflet de notre... Des sujets comme harcèlement, ouais. harceler, des sujets comme le mal logement des enfants. Il y a vraiment un désir de parler de ce qu'on est aujourd'hui et de parler de sujets pas que légers, quoi. Et est-ce que vraiment, c'est une question que je me pose là en vous écoutant, vraiment envie... C'est souvent une question que tu lui poses. Toujours d'avoir des sujets sociaux dans la fiction. Là, est-ce que la fiction traités... est pas là aussi quelque part pour nous emmener ailleurs? Alors il y en a aussi, il y a des comédies aussi, mais je pense notamment à une qui parle de l'endettement. Donc c'est pas forcément un sujet. C'est une belle comédie. C'est une belle comédie. Là tu te marres vraiment. C'est un bon exemple. Mais c'est traité comme ça, c'est traité sur presque comédie romantique, sentimentale. Et moi c'est ça que j'aime, quoi. Je veux bien que du léger, mais enfin à un moment donné, c'est le cas dans La Vie à l'envers quand même. C'est que évidemment le sujet est Alzheimer, mais il y a des vannes incroyables. Et c'est fou d'être dans un moment d'émotion et de tension, et même vous les yeux humides en train de pleurer, de voir à l'hôpital que les tests sont tristement positifs et que votre maman est atteinte d'Alzheimer, vous shootez quand même une vanne sur votre père. Et d'ailleurs, et Pascal Rabillot, votre sœur, je dis aussi, bon allez, maintenant on arrête les vannes. Et elles sont là, les vannes, elles sont présentes. J'ai cité tous les noms, sauf Anne Diaferi, qui est la réalisatrice et l'auteur. Avec laquelle j'avais tourné un long métrage avec... Patrick Bruel l'année dernière. Ange Gabriel. Voilà. On l'avait vu, absolument. Voici, c'est une super réalisatrice. Ouais. Absolument. Voici l'humeur de Daniel Morin. C'est maintenant, Daniel. C'est à moi. Et ouais, là. Encore. Oh, dis donc. Élection américaine. Où en est-on? C'est mal barré. Où en est Hillary Clinton? Après son malaise à New York. L'inquiétude règne, Nagui. Pneumonie, c'est ça? Ouais, pneumonie. Bon, ça va, ça soigne. Oui, mal. Une inquiétude chez les uns qui fait le bonheur des autres. Notamment, le bonheur de Donald. Oh, ho, ho, ho, yeah! C'est qui le next president of the United States of America? Donald motherfucker Trump! Faute. Hillary, elle est foutue, je sais même pas si elle sera là pour assister à ma fucking victory! Pendant ce temps-là, le camp démocrate se veut plutôt rassurant. France Inter, flash spécial élection américaine. Selon l'entourage de la candidate, tout va bien pour Hillary Clinton. Elle serait même en train de préparer son prochain discours depuis le sanatorium où elle va passer une semaine sous une tente à oxygène. Des nouvelles qui n'ont pas l'air d'émouvoir Donald. Tu parles, elle va rester dans son sanatorium. Jamais elle va ressortir, Hillary. Non, pour moi, on dirait, Dora l'exploratrice, c'est gagné. Vas-y, Hillary. Moi, j'avais fait à rire, en fait, ça m'angoisse. Vas-y, Hillary, tiens bon, résiste. France Inter, flash spécial, élection américaine. Selon l'entourage de la candidate, tout va bien pour Hillary Clinton. L'ancienne First Lady serait sortie de sa tente à oxygène pour soigner un début de grippe aviaire, doublé d'un malaise dû au paludisme qu'elle aurait attrapé en même temps que la peste. Selon ses médecins, tout devrait très bientôt rentrer dans l'ordre. Est-ce que ces bonnes nouvelles inquiètent Donald? Je savais pas qu'un jour une candidate jurait pour de vrai le dame au fucking camélia. Qui c'est qui va poser son cul dans le fauteuil de la Maison Blanche? C'est Donald. Un petit point santé côté démocrate. France Inter, flash spécial, élection américaine. Selon l'entourage de la candidate, tout va bien du côté d'Hillary Clinton. Les médecins estiment que sa gangrène a été soignée à temps et qu'ils n'auront pas à lui retirer plus que ses deux poumons affectés. Inquiet dans un premier temps, quand on a découvert qu'Hillary Clinton avait contracté le virus Zika, les proches de la candidate ont été rassurés d'apprendre qu'à bientôt 69 ans, Hillary ne souhaitait plus avoir d'enfant. Eh ben voilà pourquoi on s'inquiète, Nagui. Allez, à demain. Merci. La bande originale. Alors, dans vos projets, à part le projet immédiat de partir pour ces 4 jours prochains, ça doit être un déchirement en plus de partir sans ses enfants 4 jours, ça va. Pas forcément, pas forcément. Je vais passer 2 mois de vacances avec eux. Bon, d'accord, ok. Ça n'a pas l'air d'être déchirant. En tout cas, vous serez à La Rochelle pour ce 18e festival. Mais ensuite, vous nous avez annoncé fin octobre, donc au Théâtre de l'Œuvre, le monologue sur Audrey Hepburn. Ce sont des lectures Non. Je vais essayer d'incarner Audrey Hepburn. Je dois dire que c'est pas gagné. J'ai essayé de faire peut-être une petite teinture. Enfin, je suis en train de réfléchir là-dessus. C'est qui en est l'auteur? C'est vous? C'est vous d'après un roman de Clémence Boulouk. D'accord. Qui s'appelle Un instant de grâce, qui est sorti l'hiver dernier. Mmh. Et elle a fait elle-même l'adaptation. Voilà. Et c'est moi qui l'ai rencontrée sur un plateau de télé, comme quoi on y fait des belles rencontres. Et c'est moi qui lui ai proposé de faire cette adaptation. Et donc vous faites à la mise en scène aussi, parce qu'un seul en scène, il faut aussi décider de la. Alors non, je ne fais pas la mise en scène, c'est Jérôme Kircher. Jérôme Kircher qui va mettre en scène et qui lui-même est en train de jouer un texte magnifique en ce moment au Mathurin, Le monde d'hier de Stefan Zweig. Et je vous le conseille parce que c'est un reflet assez terrible d'ailleurs sur notre société aujourd'hui et sur les montées des extrémistes. C'est un beau spectacle à voir. Je le rappelle, avant cette pièce au Théâtre de l'œuvre, ce monologue sur Audrey Hepburn incarné par Isabelle Carré fin octobre, à Paris, le 21 septembre, donc à 20h50 sur France 2, ce téléfilm qui s'appelle La vie à l'envers, dont nous reparlerons ici sur Inter, justement en recevant aussi Barbara Schulz. Et je rappelle qu'il y a Pascal Arbillot, Guillaume de Tonquédec, Julien Boisselier. D'autres projets dans les semaines qui viennent ? Oui, une pièce politique, c'est juste avant les élections, une pièce de Marine Diaye, Honneur à notre élu. Qui raconte, mise en scène par Frédéric Bélier-Garça, qui raconte notre propension à aller vers des élus, comment je pourrais dire, pas reluisants, pour le dire gentiment. Des élus, quoi. Non, alors justement, moi je joue une élue honnête, mais... c'est une fiction, quoi. C'est pas vers moi qu'on va. Alors j'espère que cette mise en jambe avant les élections pourra nous aider à ne pas répéter le scénario Clinton et cet homme Attends, il n'est pas fini, hein. Le scénario américain. Ça sera dans quel théâtre ? Ça sera au Théâtre du Rond-Point. Au Théâtre du Rond-Point, voilà. D'accord. On a fait le tour de ce qui vous arrive dans les semaines qui viennent ? Après, il y a d'autres films qui vont sortir, mais je vais pas tout dire, là, quand même. C'est un petit redressement fiscal, en vue Il faut aller à Nanterre pour voir quelque chose aussi un peu de politique. C'est Ça ira, la fin de Louis-Joël Pomerat, qui reprend dans les jours qui viennent. Et là, c'est aussi une façon de se mettre un petit peu dans l'ambiance de cette présidentielle. Réfléchissez bien. Ouais, et surtout, moi, je m'adresse à toute la nouvelle génération, ceux qui vont voter pour la première fois de leur vie. N'oubliez pas de vous inscrire déjà. Aller voter, ouais. Et aller voter parce que c'est votre avenir, c'est aussi le nôtre, mais c'est votre avenir. Parce que sinon, vous vivrez la même chose que moi. J'espère pas, mais enfin, ce souvenir cuisant, je n'avais pas voté. Quand nous avons pleuré un 21 avril 2002. Un 21 avril, voilà. Et après, j'ai participé. La défaite du PSG. Ouais. Et là, je me suis juré de ne plus jamais manquer une seule élection. Vous allez faire une voix off d'un documentaire où vous lisez le journal intime de Romy Schneider. Vous êtes vachement bien informé, ouais. Je l'ai enregistré il y a pas longtemps et c'est un très très beau documentaire, effectivement. Qui passera sur France 3, on n'a pas encore la date de diffusion. Non, mais c'est incessamment sous peu. Et c'est vrai que c'est mon actrice préférée, puisque c'est en la voyant jouer dans Une femme à sa fenêtre que j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de théâtre et de ne pas être triste, de ne jamais être danseuse. Documentaire réalisé par Pascal Forneri, dont vous faites la voix off sur la vie de Romy Schneider. Voici le brouillon de culture spécial Isabelle Carré, signé Laïla Kadoroudadi. Isabelle Carré, je vous sors de la promo. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture à toutes les deux pour apprendre à mieux vous connaître. Mm-hmm. Et je vous propose de commencer par un son pour la chanteuse que vous êtes. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils prospère sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller. Tu ne veux pas aller. Et pour quoi donc non. Là aussi, je peux vous faire toute la chanson. C'est La pêche à la baleine de Prévert, chantée par les frères Jacques. Je suis imbattable en chansons de colonies de vacances. Je peux tenir 3-4 heures. Vous connaissez la digue du cul? Non. Alors ça, c'est après ça. Ah pardon. C'est un peu de respect, Tom. C'est plus tard dans la soirée. Et vous dites en fait que c'est votre moyen de vous sauver, de chanter la baleine, la pêche à la baleine. Dans quel contexte aussi, ça arrive aussi au pays de Candy qui m'aide bien parfois. Ouais. C'est avant la crise de nerfs. Toutes les chansons en fait de mon enfance. Denver, le dernier dinosaure. Ah ouais. Ah, moi aussi, ça me met une patate. Ouais, moi aussi. Non mais c'est vrai. En plus dans cette chanson, il y a c'est mon ami et bien plus encore. Oui. Je me suis toujours posé la question. Oh non. Non mais c'est vrai. Denver, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, et ben qu'est-ce qui se passe entre eux? Non. J'ai dit non. Non, mais je me pose juste la question. C'est juste avant l'évanouissement, en fait. C'est ça. Pour répondre à votre question. C'est avant l'évanouissement, oui. Avant la crise de nerfs. Donc, chanter, en gros, c'est ce moyen miraculeux pour vous, pour souffler, pour sortir. Mais j'ai la gentillesse de le faire dans ma tête. Ah, D'accord, pas en public. Non, mais pourtant, c'est faux, elle chante très bien. Pourtant, vous avez chanté avec lui, votre frère, c'est le créateur de Lily Cube, Voyage en Italie. Absolument, qui maintenant fait des albums solo et qui écrit. Non, mais attendez, qui écrit, il a écrit pour Johnny Hallyday. Pour Johnny Hallyday, pour Françoise Hardy, ouais, pour. Voilà. Quand même. Et chanter un jour, tous les deux, ou vous seul, on avec. On a fait. Encore une chanson. Ouais. Tous les deux. Mais un album. Ah, un album. Franchement, je j'ai peur de le plomber, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Il nous a envoyé un texto, là, il est d'accord. Un générique télé à présent. Surtout la tenue vestimentaire. Et puis ses super pouvoirs. Wonder Woman. Il paraît que vous aussi, dans votre genre, vous êtes une super héroïne. Votre surnom serait Crintou-Woman. C'est vrai. Parce que j'ai peur d'à peu près de tout. En fait, des araignées. Des microbes, des araignées, des voyages, des accidents. Du Front National. Absolument. Il est dans mon top 5. Ouais, ça pourrait faire un bon film, ça, Crintou-Woman. Oui. Pour être un bon générique et un bon pitch. Crintou-Woman. Une bonne série, tiens. Une bonne série. Ouais. C'est qui votre super-héros préféré? Alors là, mon super-héros préféré de votre enfance ou aujourd'hui, parce qu'il a des pouvoirs qui pourraient lui conférer des qualités que vous aimeriez avoir? Zidane. j'aime bien. Ouais, on n'est pas forcément obligé de prendre... J'ai un footeur à la famille et du coup, j'ai tous les t-shirts Zidane et tous les trucs. Et donc voilà, on se déguise en donc Zidane. Vous êtes très branché pour, intello, quoi. Voilà. Absolument. Comme mes lunettes. Ça, c'est pour énerver Nagui. Et bien, justement, bonne transition. Zidane, il est beaucoup plus intelligent que certains autour de cette table. Et bien, pour finir. Moi, j'aime beaucoup Fred. Pour finir, arrêtez. C'est marrant, je savais que ça allait tomber sur moi. Pour finir, un conseil culture pour vous, Isabelle Carré. C'est un livre d'Arthur Schnitzler. C'est Gloire Tardive. Une sortie. En fait, vous avez joué Mademoiselle Else, mise en scène par Didier Long. C'était en 99. Vous avez remporté d'ailleurs le Molière de la meilleure comédienne pour cette pièce. Et comme à chaque fois, vous lisez tout, vous consultez tout. Mais ça, j'ai pas lu ça. Eh ben non, parce qu'il vient de sortir. Ah. C'est pour ça que je me disais qu'il fallait que je complète. Mais je suis passée à côté d'un truc. Et oui, mais c'est normal parce que tout le monde est passé à côté. Tout le monde pensait avoir tout lu de cet auteur, Arthur Schnitzler. Et en fait, on a trouvé un texte sous forme de tapuscrit dans une bibliothèque à Cambridge. C'était en fait une longue nouvelle, un peu à la... On parlait de Stefan Zweig. Donc c'est un peu le même genre, qui devait être publié dans un journal. Mais en fait, ce texte a été non publié par Die Zeit. Et le texte a été un peu perdu, a été retrouvé tardivement. Et l'histoire est assez intéressante. C'est un vieux fonctionnaire qui, un jour, dans sa vie de routine, tombe sur un jeune homme qui est devant chez lui. Et ce jeune homme lui dit, voilà, j'ai déniché un bouquin, c'est vous qui avez écrit ce texte il y a quelques décennies. C'est un bouquin génial. Et il commence à l'emmener dans la belle société viennoise. Et là, ce vieux fonctionnaire commence à se piquer au jeu de la célébrité, des mondanités, à ses risques et périls. Voilà, c'est mon cadeau pour vous. Merci. Voilà. Merci Leïla. Voici... Oh, ce qui a été peut-être tube de l'été pour certains, c'est Kent Jones, ça s'appelle Don't Mind, et j'adore. Telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. Told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma I'll show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandu mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandu mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandu mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandu mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandu mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandu mara. Bonjour, madame. Ken Jones, à l'instant, avec Don't Mind. Ouais, ça donne envie de bouger. T'as l'air super, la dernière livre, t'as pas donné l'éditeur. Ah oui, c'est chez qui ce superbe livre? Albin Michel. Merci, Albin Michel. Voici la cascade de questions pour Isabelle Carré. Des questions courtes avec des réponses courtes. C'est parti. Là, il va. Un objet inutile qui vous suit partout, que vous avez dans votre sac, par exemple. Ah, un peu fétiche, à part les enfants. J'ai tellement de bordel dans mon sac. Un objet important. Bon, c'est utile pour moi, mais peut-être inutile pour d'autres. Mon gel désinfectant pour les mains. Ah bah voilà, évidemment, on y revient. Daniel Morin. Est-ce que vous pensez que la série ukrainienne Battle for Sébastopol risque d'obtenir un prix au festival? Je l'ai vue. Alors, je suis censée dire que j'ai pas vu. Non. Je ne sais pas. Voilà. Tom Villa. Vous qui avez tout lu, votre pièce préférée de Molière? Oui. Je vais dire L'école des femmes, vu que c'est des souvenirs merveilleux, quoi. Frédéric Segrist, vous avez joué. J'aime bien les femmes savantes aussi, et d'ailleurs, il le joue en ce moment, Bakri Jaoui, ça doit être génial. Mise en scène par Catherine Yeager. Ça doit être top. Vous avez joué des personnages atteints d'affliction, un biopic d'Hillary Clinton, ça vous dirait? Oh non. Vous savez quoi, quand on en parlait tout à l'heure, je me disais, mais moi, je vais la remplacer, quoi, j'y vais. D'ailleurs, il se passe quoi si elle arrête? On n'envisage pas. Bernie Sanders revient. Oh non. Leïla. Le livre marquant de votre enfance. Oh là, alors je sais pas. Un livre de Giono, mais c'est pas vraiment de mon enfance, c'est plus mon adolescence. D'accord. Daniel Morin. Que ma joie demeure. Rien que le titre fait du bien. Daniel, est-ce que vous pensez que Molière peut gagner quelque chose au Festival de la Rochelle? Non, mais au Molière cette année avec Jaoui Bakri, ouais. Il y a des chances. Ça serait drôle que Molière ait un Molière d'ailleurs. Tom, votre série française préférée? C'était Les Revenants. Ah ouais. Fred, votre série américaine préférée? In Treatment. Leïla. Qui est d'ailleurs une série israélienne au départ. Si on vous proposait de faire la couverture de lui, comme c'est le cas. Ou pas. Voilà, ou pas. Comme c'est le cas de quoi? De certaines comédiennes qui peuvent être amenées à le faire. Oui, pardon, la nudité ne vous a jamais arrêté au cinéma? Non, mais là, comme ça, lui, non, bof. Lui, non. Ouais, la réponse est claire. C'est Audrey Fleurot. Daniel, des excuses à présenter. Oui, je suis désolé pour les membres du jury du Festival de la Rochelle qui vont travailler avec Madame la Présidente Isabelle Carré. Alors autant, ouais, elle a l'air plutôt sympa à la radio, autant off, je vous assure, c'est un monstre qui va débarquer. Elle veut que vous connaissiez les dialogues de toutes les séries que vous allez visionner. Et on fait un concours. Désolé enfin pour tous les Rochelais qui vont subir la présence de Madame la Présidente Isabelle Carré. Autant elle a l'air sympa, comme ça, à la radio, autant off, je peux vous garantir, elle va exiger de tous les habitants qu'ils viennent assister à toutes les projections. C'est le 18e rendez-vous de la création française et européenne, ça s'appelle le Festival de la Fiction, et Isabelle Carré est la présidente de ce festival du 14 au 18 septembre, avec donc une cérémonie de clôture, j'imagine, et des prix qui seront donnés, distribués. Absolument. Beaucoup d'émotions et j'espère de révélations. Et on ira vous applaudir au Théâtre de l'Œuvre fin octobre, et avant cela, on vous aura vu, et j'espère que ça sera un énorme carton à la télé, La vie à l'envers, dont nous reparlerons, qui est un très bon téléfilm avec Pascal Arbillot, Barbara Schulz, que nous recevrons aussi pour sa pièce de théâtre avec Pascal Elbé, Marthe Keller, Julien Boisselier et Guillaume de Tonquédec. Tout ça s'en fiche, hein, là. Merci, ah, aujourd'hui. Quel monstre. Merci à vous, j'ai l'impression que j'ai reçu un prix avec vous aujourd'hui. Oh non. Merci, c'était génial. Le prix du cœur, Isabelle. Le prix du public. C'est nous qui étions honorés. Philippe Bertrand. Dactari. Dactari. C'est une de mes séries préférées, ouais. Pour ça que je dis. Avec Clarence, le lion qui louche. Ouais, bravo. Ah ouais, et la guenon, elle s'appelle Judith. Ouais, c'est ça, Judith. C'est un problème de génération, là. Ouais, parce que là, moi, je suis perdu. Vous venez de vous trahir sur votre âge, Philippe. Mais non, mais je vous croyais plus jeune, les garçons. Vous voulez qu'on parle des Mystères de l'Ouest? Vous voulez qu'on parle de Au nom de la loi, Steve McQueen avec sa Winchester à canoncier? Ah ouais, oh là là. V, on peut parler de V. L'homme du Picardie. C'est après. L'homme du Picardie, c'est péniche. Bonne image. Super bien, la péniche. C'était pas ça. Et ils sont pas des choses quand même à La Rochelle. La fiction télé, puis dimanche, c'était dimanche dernier, la friction. Oh bien. Il a tous les talents. Il a tous les talents. Et dans la friction, il y a de la fiction, évidemment. Ouais. Allez, salut les bonne amis. Bonne émission, Philippe, merci. Ciao. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Sur France 3, Capitaine Marlowe fait son grand retour. Alors vous en pensez quoi? Mais je pense pas aux prières, moi je constate. Et quand le fruit est mûr, eh ben il tombe. Et qui c'est qui ramasse? Ben chez Bibi. Plus qu'une enquêtrice, un style. Corinne Maziro et Capitaine Marlowe, une fiction inédite, ce soir à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Radio France, partenaire des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre. Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite à la 33e édition des Journées européennes du patrimoine sous le thème « Patrimoine et citoyenneté ». En France, plus de 17 000 monuments vous ouvrent leurs portes les 17 et 18 septembre. À cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir la Maison de la Radio à Paris. Concerts gratuits, jeux de piste, visites guidées, pause vinyle, cinéma sonore. Bonne visite citoyenne! Renseignements sur maisondelaradio.fr. France Inter, c'est l'heure.